ma rose de bonbon. Et ma tante Amélie qui me fait l'ail poli. Ma maman est en haut qui me fait des gâteaux. Mon papa est en bas pour me faire deux œufs sur le plein. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la poigne du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. J'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. Depuis que je suis né, je ne fais que manger. J'ai beau crier famine, j'ai toujours mauvaise mine. Y'a mon grand frère Henri qui me gave de bouillie. Et ma petite sœur Thérèse qui rit quand elle me cueille des fraises. J'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre super tendue. Merci petit Jésus. J'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus.